Le Radioton se poursuit, Jessica Leb avec vous pour célébrer maintenant les 10 ans de Première Ovation, mesure de la ville de Québec qui est là pour encourager les artistes de la relève dans plusieurs disciplines. On en compte 11 au total, donc pour les 18-35 ans, Première Ovation apporte des bourses en musique, en danse, en cirque, en théâtre, en art littéraire, en art visuel, art médiatique et métier d'art, en art multi, en patrimoine et en art numérique. Évidemment, au début, dans les 10 ans, c'était pas là tout de suite, hein, ce sont des disciplines qui sont apparues au fur et à mesure des années. Et aujourd'hui, c'est KRL, on avait envie de vous présenter quelques artistes qui ont bénéficié du soutien de la ville de Québec avec cette mesure Première Ovation pour réaliser leurs projets, que ça soit en création, en diffusion, en résidence ou en mentorat. On va commencer en musique, avec une artiste qui, au départ, est originaire du Nouveau-Brunswick. Elle a bénéficié de la mesure Première Ovation musique pour différents projets. Elle va nous en parler maintenant. Je suis avec Émilie Landry. Bonjour, Émilie. Bonjour. Émilie, comme je le disais, tu es originaire du Nouveau-Brunswick. Tu t'es installée à Québec en 2013. À quel moment t'as connu Première Ovation, toi? Je dirais, c'était un peu après que j'avais... que j'ai gradué du CNDF, j'ai fait mes études en musique, puis c'était comme vers la fin, j'avais un peu entendu parler de ça, c'est un peu là que j'ai entendu parler de l'Ampli de Québec, puis tout ce qui offrait là-bas, puis c'est plus là, en faisant le cours de gestion de carrière artistique, là, justement à l'Ampli de Québec, c'est là que j'ai plus appris comment ça fonctionnait, Première Ovation, puis les subventions, puis là j'ai vu que c'était une belle opportunité, qu'il y avait vraiment plein de subventions qui étaient là, qu'on peut s'essayer, tu sais, pour nos projets, pour aider dans nos projets, fait que je me suis dit, pourquoi pas, on s'essaye. L'Ampli de Québec, qui offre déjà de l'accompagnement aux artistes en musique de la ville de Québec, des formations aussi ponctuelles, donc c'est sûr qu'on vous parle assez rapidement, comme tu le disais, de Première Ovation comme soutien. On le sait, les finances en art, des fois, ça a l'air incohérent parce qu'on se dit, mais là, l'art se vend pas. Mais si, hein, y a beaucoup d'argent qui rentre en jeu quand on crée. Ouais. Est-ce que toi, tu mesurais l'importance du financement quand tu t'es dit, je veux faire de la musique? De plus en plus, comme... quand ça devient de plus en plus sérieux, tu commences à faire, OK, ça, pour faire, mettons, faire un disque ou pour faire des projets, ça prend quand même de l'argent. Au début, on pense pas trop à ces choses-là, on s'en rend pas compte, mais plus on se professionnalise, plus qu'on réalise qu'effectivement, ça prend des sous pour faire bien des choses. Par exemple, admettons, surtout quand on commence, quand on fait des tournées, des fois, les cachets sont pas tout le temps incroyables. On fait notre nom, fait que ça peut vraiment nous aider, tu sais, l'aide à la tournée. Ça fait que, bon, mais je peux m'engager un musicien, puis je peux lui donner un cachet qui fait du sens, on a une bonne relation de travail, ça rend le tout juste plus paisible, puis c'est moins stressant, puis on est moins obligé de tout prendre là, le poids sur nos épaules. Ouais, parce qu'au début, vous faites ça beaucoup par passion, on dit, bon, du moment que je joue... C'est pas grave si j'ai un cachet qui a l'air misérable, mais il faut que je me fasse voir. J'imagine qu'on réfléchit un peu comme ça au début. Ben oui, on a comme un peu pas le choix pour commençant. Puis là, finalement, mais à force de jouer, ben on se professionnalise, puis on fait des contacts. Puis là, éventuellement, on a des meilleurs cachets. Fait que ça aide à juste comme commencer la balle, je pense. Puis aussi, un bon exemple, ça serait les vitrines. Admettons que des événements comme Rideau ou Contact Ontarois ou Contact Ouest ou peu importe, Francophone en Acadie, tout ces événements-là sont vraiment importants dans le développement d'une carrière pour se faire voir par des diffuseurs, des gens qui veulent justement trouver des nouveaux talents, des nouveaux artistes. Il faut être devant eux, il faut jouer devant eux. Puis participer à ces événements-là, ben là, t'es pas payé. Tu dois payer pour participer puis pour faire partie de l'événement. Puis pour participer à une vitrine? Oui, c'est ça. Ça coûte de l'argent. Et il faut se déplacer parce que Rideau, c'est à Québec. C'est ça. Quand tu as évoqué les autres vitrines, c'est beaucoup plus loin. C'est ça, il faut se déplacer, il faut que tu payes ton logement, puis si tu veux te payer un musicien, je veux dire, c'est toutes des choses qui coûtent de l'argent, puis ça aide justement pour... oui, c'est bon de s'investir soi-même, mais il y a comme une limite des fois, là, tu sais, quand tu veux pouvoir avoir du temps à ton art, tu peux pas avoir une job à 40 heures semaine puis essayer de te professionnaliser là, dans le monde des arts. Ça marche pas. En tout cas, je connais pas personne qui le fait. Oui, généralement, quand on arrive à gagner sa vie avec la musique, on délaisse la job 40 heures pour aller vers ça aussi. C'est ça. Alors, toi, pourquoi as-tu sollicité Première Ovation, une bourse? Parce qu'on applique, hein, il y a des candidatures, il y a des périodes à l'année longue où on peut déposer son projet. Toi, qu'est-ce qui t'a appelé comme projet? Premièrement, moi je voulais faire une tournée de lancement pour le lancement de mon EP, Être social. Fait que j'avais comme 5-6 spectacles que je voulais faire, un spectacle à Québec, puis là j'avais d'autres spectacles un peu partout au Nouveau-Brunswick. Puis ensuite de ça, j'ai eu deux différentes vitrines. J'avais la vitrine au festival 506 à Moncton, puis ensuite une vitrine à Contact Ontarois un peu plus tard là. Fait que une après l'autre là, j'ai eu besoin de ce soutien là assez rapidement, puis je suis vraiment contente de l'avoir eu parce que ça fait du bien là. J'aurais pu l'investir comme tout de ma poche, mais le fait de pas être obligée, ça a définitivement enlevé un poids. Puis donc c'était le volet diffusion, si je comprends bien, de la musique qui était important pour toi. Mm-hmm. Faire un lancement aussi comme il se doit, tu parlais de ton EP Être social qui est sorti à l'automne 2017 et de pouvoir tourner donc un peu partout. Mm-hmm. Mais ça marche plutôt bien parce que sur cet album tu as collaboré avec Daran qui a en plus joué des instruments sur ce EP. Mm-hmm. Ça aussi, est-ce que c'est grâce au financement que tu as eu? Parce que j'imagine qu'il fallait payer Daran aussi. non, ça en fait, j'avais fait une campagne de socio-financement. J'avais pas fait de demande à Première Ovation pour ça, là, pour le EP. Là. Mais, ouais. Donc c'est bien pour préciser que l'argent que tu as reçu de Première Ovation pour la diffusion, c'était exclusivement pour la diffusion. Mm-hmm. Mais évidemment, ça n'épargne pas les autres finances qu'il faut prévoir. Mm-hmm. Tu parlais de l'importance d'être diffusé, de pouvoir partir. Tu as la chance d'avoir été sélectionnée pour Destination Chanson Fleuve cet été, qui partira de Montréal, des Francofolies, Québec ensuite, le Festival de la Chanson de Tadoussac, puis Petite Vallée, également dans le cadre du Festival en Chanson, avec une cohorte. Vous êtes 7, il me semble, 8 au total. Oui, j'ai vraiment hâte. C'est vraiment ton année de sélection. Première Ovation, c'était en 2017, mais là, Destination Chanson Fleuve, ça va te permettre encore une fois de diffuser ta musique aussi. Mm-hmm. Ouais, puis en plus, là, j'ai fait une demande parce que j'ai été sélectionnée pour les East Coast Music Awards sur le Breakout Stage. C'est comme une scène pour la relève. Fait que là, j'attends la réponse. Là, fait qu'on va voir. Bon, on te souhaite la meilleure des chances. Alors, on va écouter Émilie Landry. T'es venue avec ta guitare accompagné d'un musicien, hein, quand on parlait de l'importance de l'accompagnement aussi. Mm-hmm. Qui est-il? Tu peux le présenter. Samuel Robitou. Alors, je te laisse t'installer. Je vous rappelle qu'on est en pleine période de Radioton à CKRL. C'est notre dernier jour. On est en direct et en public depuis vendredi 16h. Si vous voulez faire un don, miser sur les lots d'Ancan, il y a un seul numéro de téléphone à retenir, 418-640-2575. Les dons, ça peut aussi être en ligne via notre site internet www.ckrl.qc.ca. Et Amassan est déjà arrivé pour les massages sur chaise. Je rappelle que c'est 10 minutes, 10 dollars, tout au profit de CKRL. Et si vous voulez faire plus, vous pouvez aller jusqu'à 30 minutes, c'est 30 dollars. C'est aussi simple que ça. Émilie Landry est prête. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Dans le Nord. On l'écoute à CKRL. Ici je foutais le camp à 200 000 à l'heure vers un autre continent. J'ai vraiment mon voyage de faire la sédentaire et de faire ton ménage. Je vais te ramasser pour de bon. Je pars à 6 heures du matin, un post-it dans le salon qui dit je reviendrai pas. Je reviendrai pas. Tu peux bien courir, mais tu me rattraperas pas. Je pars en road trip avec ton chien quelque part dans le nord, avec ton char. Je pars en road trip avec ton chien quelque part dans le nord, avec ton chien puis ton char. suis quasiment virée de bord. 9h du matin, il est déjà trop tard, tu dois être réveillée. J'imagine que c'est toi, mes 15 appels manqués, t'as jamais été sécure. T'avais le tour de me donner la vie dure, j'ai le vent et le volant. Fini les menaces, j'pars sur une trace à part. J'pars en road trip avec ton chien quelque part dans le nord. Avec ton char, j'pars en road trip avec ton chien quelque part dans le nord. Avec ton chien pis ton chat. Tu dois bien te dire que je vais revenir dans le temps de te faire une peur. Mais j'ai remis mes pendules à l'heure. J'pars en road trip avec ton chien quelque part dans le nord. Avec ton char, j'pars en road trip avec ton chien quelque part dans le nord. Avec ton chien. Pis ton chat. Merci. Émilie Landry. Émilie Landry dans le Nord, qu'on vient d'entendre, extrait du EP Être social. Je rappelle, c'est paru à l'automne 2017. Émilie, reviens avec nous. Tu vas nous expliquer comment se procurer le EP si on veut t'entendre. Sur Spotify, iTunes, mais si vous voulez vraiment m'encourager, vous allez l'acheter sur Bandcamp ou sur... Ah oui, non, dans le sens on l'écoute pas en streaming, ouais. Là on se le procure. Ouais, on c'est ça. on connaît ce qui se passe avec le streaming en ce moment pour la rémunération des artistes, c'est vraiment rien du tout. Là. C'est ouais. Ça. Sinon, moi je suis distribuée par Distribution Plage, qui est... distribution numérique et physique pour les artistes acadiens. Là. D'accord. Donc, ça, c'est moi. Donc, sur Bandcamp en numérique, et si on le veut en physique, on peut le demander. Je suis sûre au Knockout, qui est situé sur Saint-Joseph, ils feront de quoi pour le faire venir ici à Québec. Émilie, donc, la prochaine fois qu'on te voit en prestation, en spectacle à Québec, c'est dans le cadre de Destination Chanson Fleuve. Ouais. Donc, on va suivre ça. Merci beaucoup, Émilie. Émilie Landry sur les réseaux sociaux également, si vous voulez la suivre, sur la page Facebook. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on célèbre les 10 ans de première ovation. D'ailleurs, chronique que je reçois régulièrement dans mon émission Première Loge, Première Ovation, chaque mois, vient nous présenter ses programmes d'aide, les prochains dépôts de projets également dans les différentes disciplines. Je rappelle qu'on encourage 11 disciplines à travers la mesure de première ovation. Les critères, avoir entre 18 et 35 ans, résider sur le territoire de la ville de Québec ou de Wendake. Et un volet qui a vu le jour il n'y a pas si longtemps, je pense que c'est le dernier de la liste, le dernier en date, c'est le volet patrimoine. Pour vous en parler, je suis avec une ancienne boursière qui, elle, a vu son projet se concrétiser. C'était une exposition à l'été 2017 au coin du projet Un reflet du Faubourg. On parle du Faubourg Saint-Jean-Baptiste et un petit clin d'œil à la bâtisse du projet spécialité micro-brasserie. On s'intéresse à l'architecture ici et à la conservation de ce lieu. Je suis avec Laurie Larouche. Bonjour Laurie. Oui, bonjour Jessica. Alors, parle-nous un peu de ton intérêt pour ce projet. Comment c'est né? Oui, en fait, c'est né de manière assez spontanée. J'ai commencé à travailler comme serveuse au projet à l'été 2016. Et puis, j'ai posé toutes sortes de questions par rapport au bâtiment, parce que c'est une des motivations qui me portait à aller travailler là. Puis, on va juste préciser que le bâtiment est magnifique. Oui, absolument. Vraiment magnifique, autant de l'intérieur que de l'extérieur. Et c'est aussi une parcelle très intéressante parce qu'elle est très étroite. Donc, c'est un bâtiment qui est fait sur le long. Puis, il y a un effet d'ampleur quand on entre à l'intérieur du bâtiment qui est très intéressant. Donc, quand j'ai commencé à travailler au projet, on m'a expliqué que c'était une ancienne caisse pour les Irlandais qui arrivaient à Québec. Et ça me surprit, bon, par l'architecture, par la période temporelle. Mais bon, j'ai été intéressée par la chose. Puis, juste pour pousser la note, je me suis rendue aux archives où j'ai infirmé la chose. Finalement, c'était une caisse d'économie Notre-Dame pour les ouvriers canadiens-français à Québec. Donc, le fait d'infirmer quelque chose et de faire des découvertes, ça m'a beaucoup stimulée. Puis aussi la curiosité des clients par rapport à ce bâtiment-là, ça a été vraiment essentiel. Le projet vraiment, donc qui est à la fois restaurant, bar également, est très intriguant. Je trouve que c'est un secret bien gardé de la rue Saint-Jean. Effectivement, quand on rentre, on découvre ce décor qui est à la fois très européen. Il y a le côté britannique aussi qui ressort dans l'architecture. Et c'est aussi parce qu'on a voulu conserver ce style-là, Laurie. Oui, mais en fait, c'est ça qui fait l'exceptionnalité du projet, c'est que son architecture est demeurée vraiment harmonieuse au fil du temps. Donc, j'ai pu parler à l'ancien propriétaire de ce bâtiment-là, qui a acheté le bâtiment au moment où est-ce que la caisse a fermé ses portes en 1982. Et puis, il m'en a parlé de ce bâtiment-là quand il a acheté, et c'était exactement la même chose. Donc, c'est rare aussi qu'il y ait des bâtiments comme ça qui perdurent à l'intérieur. Donc, que le style architectural est authentique d'origine. Donc, ça aussi, ça fait sa particularité, son intérêt. Mm-hmm. Et l'extérieur, il y a un contraste aussi entre l'intérieur et l'extérieur du projet. C'est ça, c'est pas aussi vieux à l'extérieur que ça l'est à l'intérieur, est-ce que je me trompe, dans l'architecture? C'est difficile à documenter, de dater de manière fixe. Le bâtiment date de quand? La pièce la plus ancienne, c'est les fondations, qui datent de 1855. À l'époque, c'était une maison de deux étages, à laquelle on a ajouté un troisième étage avec le temps, qu'on a changé la façade, changé la maçonnerie. Donc, c'est un petit peu difficile de tout dater. Ce qu'on sait, c'est qu'en 1906, la Caisse d'économie de Notre-Dame ouvre ses portes, et c'est l'architecte René Pamphile Lemay, qui est connu aussi pour avoir fait l'ancienne école technique à Québec, qui est aujourd'hui une école de danse sur le boulevard Langelier. Magnifique école bâtiment. École de danse de Québec. Oui, c'est vrai qu'on fait le lien entre les deux architectures, ouais. Si on est rentré dans les deux. Ouais. Et puis, donc, à l'extérieur, c'est un style Second Empire qui est très en vogue à l'époque, un peu dans le même style que le Parlement de Québec, un style d'inspiration français qui a été inauguré à Québec par Peachy, qui est un architecte francophone très en vogue à l'époque et qui a enseigné l'architecture à René Pamphile Lemay. Donc, il y a toutes sortes d'influences qui sont possibles à détecter à travers ce bâtiment-là. Et finalement, donc, Second Empire à l'extérieur et à l'intérieur, c'est un style très éclectique qui est aussi en vogue à l'époque. Donc, on essaie de briser les standards architecturaux en mélangeant les styles. C'est un peu le style moderne, en fait, du tournant du 20e siècle. On voit une connaissance très large, hein, et une comparaison avec les autres bâtiments de Québec. Mais est-ce que tu étudies en patrimoine au départ? Parce que tu nous disais, moi j'étais serveuse là, j'ai découvert l'histoire finalement en y travaillant au projet. Mais est-ce que tu avais un intérêt pour le patrimoine avant ça? Oui, tout à fait. Ça s'est concrétisé pendant mon baccalauréat à Chicoutimi en géographie. J'étais plus intéressée par la géographie humaine, un peu l'architecture, l'histoire sociale. Et puis, j'ai décidé de faire une maîtrise en aménagement du territoire parce que j'aime ça avoir un impact sur le cadre de vie des gens qui passe souvent finalement par les quartiers, par les centres-villes, par l'architecture, bref. Et puis, j'ai spécialisé cette maîtrise-là en patrimoine, en faisant un essai-projet en patrimoine mondial sur le site du patrimoine mondial de Québec. Et puis, j'ai fait toutes sortes d'expériences. Donc, cette expérience-là avec Première Ovation a été une manière de concrétiser des idées, de développer des compétences qui ont été très reconnues par la suite auprès des employeurs. Donc, c'est vraiment génial comme expérience. Bah, on y vient sur la mesure Première Ovation. Tu avais cette idée-là de faire une exposition en t'intéressant à l'histoire de la bâtisse, du projet, ou c'était encore flou? Comment ça s'est passé? Eh bien, c'est ça. J'ai commencé à chercher sur le bâtiment en juillet. Puis à mesure que ça se passait, bien, je partageais mes découvertes aux collègues, je partageais des photos, je sollicitais la curiosité des gens, un peu des clients. Mais bon, étant donné que je savais bien que je travaillerais pas toute ma vie comme serveuse à cet endroit-là, malheureusement, eh bien, j'ai eu envie d'avoir un impact durable et un transfert de connaissances qui permet d'alimenter la réflexion, d'alimenter une sensibilisation au patrimoine au-delà de mon propre emploi, de mon propre travail à cet endroit-là. Et de ton réseau, peut-être de voir plus large aussi. Oui, tout à fait. À travers l'exposition. Donc, quel volet de Première Ovation tu as sollicité pour le patrimoine? Parce qu'il y a plusieurs catégories. Oui, bien, c'est ça, il y a trois catégories en patrimoine. Il y a écriture, diffusion et aménagement. Au départ, je me positionnais plus pour aménagement, qui est une bourse de 20 000 $ mais le cadre en soi faisait plus diffusion. Donc, on n'était pas dans l'aménagement d'une exposition à air ouverte dans une place publique. On n'était pas dans ce genre de projet-là. C'était plus à l'intérieur que je voyais ça. Donc, c'est en diffusion, finalement, que j'ai eu la bourse. C'est une aide financière quand même qui peut aller jusqu'à concurrence de 7 000 $ Donc, c'est quand même pas rien. Et ce qui est intéressant aussi dans ton projet, c'est que vous avez fait un vernissage au mois d'août 2017. Et finalement, l'exposition est là. Elle est restée. On aurait pu croire qu'il y avait des dates pour visiter l'exposition. Mais non, ça fait partie du lieu. Le projet maintenant. Oui, tout à fait. Donc, j'ai vraiment perçu et développé le projet de manière durable, de manière un peu non démodable, finalement, pour que ça perdure. Donc, c'est le 14 août 2017 qu'a eu lieu le vernissage, un événement très heureux, très ouvert. Et puis, bon, ma Première Ovation a aussi permis de financer ce vernissage-là avec les consommations gratuites et tout ça. Et puis, il n'y a pas de date de fin d'établi pour l'exposition. Ce qui a été pensé, c'est que les visuels, finalement, sont au mur, sont à l'intérieur du bâtiment, mais il n'y a pas de texte concrètement sur les murs parce qu'il y a déjà beaucoup d'ornementation. Oui. Donc, ça a fait vraiment partie des défis, ça, de saisir la ligne entre la diffusion de connaissances, la protection de cette architecture-là. Sans envahir non plus. Exact, exact. C'est aussi l'objectif parce que le sujet, c'est le bâtiment. Donc, le but, c'est pas de le cacher. Et puis, donc, les textes ont été rassemblés à l'intérieur d'un dépliant complémentaire dans lequel les gens peuvent lire sur différents sujets qui les intéressent et partir avec les textes. En plus, donc, après la visite au projet, tu te souviens de l'adresse par cœur pour le projet? Oui, le 399 rue Saint-Jean, qui a varié à travers le temps, mais aujourd'hui c'est le 399 rue D'accord. Saint-Jean. D'accord, c'est intéressant aussi. On a appris plein de choses en ce peu de minutes en tout cas. Donc je vous le rappelle, le projet de Laurie Larouche qui a été financé en partie par la mesure Première Ovation. L'exposition s'appelle « Au coin du projet, un reflet du Faubourg ». Merci beaucoup Laurie. Merci Jessica. Dans quelques instants, on continue à découvrir d'autres boursiers de la mesure Première Ovation, également Madame Alicia Despins, conseillère municipale qui sera avec nous. Partenaire majeur du Radiothon de CKRL, l'hôtel Château Laurier est un établissement 4 étoiles situé au cœur du Vieux-Québec, à deux pas de la Grande Allée, des plaines d'Abraham et du fleuve Saint-Laurent. Pour des vacances mémorables et des réunions d'affaires réussies, Hôtel Château Laurier est heureux d'héberger les artistes du Radiothon. hôtelchâteaulaurier.com. Le Radiothon de CKRL, c'est encore maintenant. Public, êtes-vous là au 405 3e Avenue? Ben oui, c'est le moment de nous rejoindre encore. On est là jusqu'à 21h ce soir. Je vous rappelle, des fois que vous auriez oublié, notre objectif est de 42 000 $ Les choses vont bon train du côté des dons, du côté de l'encan aussi, mais on a encore besoin de vous. On célèbre les 10 ans de Première Ovation. C'est mon plaisir pour moi, Jessica Leb, d'accueillir tous ces boursiers qui ont bénéficié du soutien de la Ville de Québec avec cette mesure. Et pour vous parler maintenant du point de vue de la Ville de Québec sur la relève culturelle, je suis avec Alicia Despins, conseillère municipale en charge de la culture. Bonjour. Bonjour. Alicia, pourquoi donner une telle place à la relève dans la ville de Québec, puisqu'on rappelle que la mesure Première Ovation s'adresse aux 18-35 ans qui résident sur le territoire de la ville de Québec, mais aussi à Wendake? Oui, il y a un Québécois à Wendake. Tantôt, j'écoutais un peu les artistes parler de ce que Première Ovation leur donnait. Mais en fait, c'est quasiment du donnant-donnant, là, parce que les artistes, évidemment, eux autres, ça les aide, ça leur donne un coup de pouce en début de carrière. Mais pour une ville, de pouvoir retenir des jeunes talents comme ça, de pouvoir retenir la relève que les jeunes, puis depuis 10 ans, depuis le début de Première Ovation, on a vu que ça commençait à arriver, que les jeunes talents se disaient plus ah, ben pour faire progresser ma carrière, faut que je m'exile quasiment. Là. Notamment ben, à Montréal. Exactement. Par exemple. Pour ne pas le nommer, souvent, c'est, dans la majorité des cas, c'est effectivement à Montréal. Puis, avec Première Ovation, pour une ville comme Québec, on sait que c'est important de garder les gens ici qui puissent vraiment réaliser leur rêve à Québec. Mais pour une ville, c'est extraordinaire. Là, on a besoin de ça. Là. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est du donnant-donnant. C'est extraordinaire pour les jeunes de la relève, mais c'est aussi extraordinaire pour une ville. On parle de 11 disciplines soutenues, autant la musique, la danse, le cirque, le théâtre, je le redis à chaque fois, hein, les arts milieux littéraires, arts visuels, arts médiatiques et métiers d'art, arts multi, patrimoine et arts numériques. Donc on pourrait se dire qu'il y a les arts traditionnels que la ville serait naturellement enclin à soutenir, mais quand même on est surpris de voir les arts numériques, le patrimoine, les arts multi qui sont peut-être des arts un peu plus nichés au départ. Pourquoi partir aussi dans ces directions-là avec la mesure Première Ovation? Ben, Première Ovation a évolué beaucoup parce qu'au début, puis Christiane a peut-être plus de détails là-dessus. J'étais avec Christiane Vadnet qui est à la ville puis qui est également présidente de la table de littérature, si j'espère que je le dis comme il faut. Mais Première Ovation, il y a 10 ans, avait seulement 3, 4, 5 domaines qui étaient proposés. Puis le programme a évolué, la mesure a évolué quand on s'est rendu compte qu'il y avait de la relève dans d'autres milieux aussi. 2017, donc l'an dernier, on a accueilli les arts numériques, c'est le dernier domaine qui a été accueilli à Première Ovation. Puis, je ne sais pas, on va peut-être voir d'autres domaines aussi être inclus dans la mesure dans les prochaines années, mais c'est important de voir large, parce qu'on parle de relève, oui, il y a les domaines plus classiques qu'on connaît bien, la danse, la musique, etc., mais c'est plus large que ça maintenant. Puis les gens peuvent se spécialiser, puis on veut qu'ils soient en mesure de le faire ici à Québec. Mmh. On va s'en rendre compte au fur et à mesure en découvrant encore deux boursiers qui ont bénéficié du soutien de Première Ovation. On va parler musique. On a découvert tantôt Émilie Landry qui a bénéficié du soutien de Première Ovation. Mais même pour la musique expérimentale, c'est possible. Le boursier que je reçois maintenant a obtenu une bourse laboratoire création de spectacle en assistant à une résidence de création artistique dans un contexte naturiste en Ontario. C'était en 2017. Je reçois Rémi Bélanger de Beauport. Bonjour Rémi. Bonjour. Rémi, c'est quand même particulier. Bon, déjà, faire de la musique expérimentale, on le sait, ça fait peur à beaucoup de gens. Ça doit faire peur aussi à beaucoup de subventions. Alors, Première Ovation est vraiment ouvert à tous les styles de musique aussi. Oui, ben Première Ovation discrimine pas. Dans le fond, la façon dont les programmes sont décrits, on décrit bien que ça s'adresse aux artistes qui font de la musique, dans le cas de Première Ovation musique. Donc, la musique que je fais, c'est une musique. C'est une musique d'exploration. Je suis dans la musique improvisée. J'ai une démarche que je traîne depuis un petit moment maintenant. Puis, donc, c'est ça, la mesure soutient la musique, puis ce que je fais, c'est de la musique. Donc, ça rentre dans ces critères. Non, mais on aurait pu croire que ça irait vers des styles traditionnels, mais pas du tout. Puis le projet aussi qui est particulier. Moi, je ne savais même pas qu'on pouvait faire une résidence dans un contexte naturiste, mais pourquoi pas. Toi, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce genre de résidence-là? Tu joues du violoncelle, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit encore. Mm-hmm. ma démarche au violoncelle est basée sur le corps. Donc c'est beaucoup c'est le corps qui est à la base de mes idées. Puis quand j'ai vu que cette résidence de création-là, qui s'appelle Naked State, en Ontario, quand j'ai vu que ça existait, puis que ça s'adressait justement aux gens qui ont une pratique vraiment sur le corps, puis qui ont envie de faire une recherche autour de ça, j'ai appliqué, puis j'ai été sélectionné par le jury. À partir de ce moment-là, ben, j'ai regardé différentes façons de financer mon voyage là-bas, puis c'est vraiment pas donné comme résidence de création. Puis c'est combien, pour avoir une idée? Si tu t'en souviens? c'est au-dessus de 2 000-3 000 tout et partout. Donc l'organisme qui organise la résidence en subventionne une partie. Moi, j'ai été chercher un soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec pour le déplacement. Puis, pour les trois dernières journées de ma résidence, j'ai transformé ça en laboratoire de création de spectacle, puisque la résidence se terminait par une présentation d'une heure où je faisais un concert solo basé sur qu'est-ce que j'aurais découvert au cours de ma résidence. Puis, c'est dans le volet de première ovation, laboratoire de création de spectacle, que j'ai pu financer cette partie-là. Donc, les trois derniers jours donc, qui ont été financés par Première Ovation. Alors là, tu es venu avec ton violoncelle, justement, et tu vas nous faire une improvisation expérimentale à la radio. Raconte-nous comment ça fonctionne. Oui, là, pour, c'est à la maison. Vous ne voyez pas ce qui se passe sur scène. J'ai apporté un radio. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer du violoncelle, puis je vais rediffuser à la radio ce qu'on entend à la radio. Fait que faut s'imaginer que la note du violoncelle, elle part du violoncelle, elle rentre dans le micro, elle se rend à la console de son, elle part par les ondes, puis ensuite elle est captée par la radio. Moi j'ai une radio sur scène, puis elle va revenir sur scène, revenir dans le micro, repartir dans les airs, revenir sur scène. Donc pour moi, toute occasion est bonne d'expérimenter, puis aussi il n'y a pas de lieu qui porte pas déjà une charge, puis la radio, c'est un lieu avec une certaine charge, puis j'ai décidé de l'essayer. J'ai aucune idée si ça va marcher, je sais pas ce que ça va donner. Moi non plus, mais on va voir ça et on va surtout l'entendre maintenant. Je te laisse t'installer. Rémi Bélanger de Beauport, donc qui a bénéficié de ce soutien. Je vous le rappelle, vous pouvez toujours donner, miser sur l'encan 418-640-2575. On est là jusqu'à 21h ce soir. Les lots d'encan commencent à fermer à partir de 18h-18h15. Donc c'est pas mal le moment ou jamais si vous voulez le faire. Ah ouais, c'est ça, je m'entends. Rémi Bélanger de Beauport est en train de faire les premiers essais, j'imagine. Et est-ce qu'on est prêt? On va pouvoir y aller alors pour ce violoncelle expérimental à la radio. Thank you. Expérimentation toute spéciale pour ces 10 ans de première ovation en direct à CKRL 89.1. C'était Rémi Bélanger de Beauport. Je précise qu'il sera en spectacle avec l'ensemble de musique improvisée de Québec, 18 musiciens sur scène et un poète au Tam Tam Café le 12 avril. Merci beaucoup Rémi Bélanger de Beauport. On va maintenant passer au volet théâtre qui est un incontournable aussi, soutenu par Première Ovation. Si vous allez au théâtre, vous allez souvent voir le logo Première Ovation dans différents théâtres de la ville, différentes productions. C'est une voix que vous connaissez parce qu'il est aussi chroniqueur à CKRL. Je suis avec Vincent Nolin-Bouchard qui a bénéficié du soutien de Première Ovation en art littéraire en 2017. Bonjour Vincent. Oui, bonjour, bonjour. Mais c'est actuellement même 2018. Oui. Là, je suis en train d'être bénéficiaire. Oui, parce que tu bénéficies du programme de mentorat. Tu es mentoré présentement par Joëlle Bond, bien connue à Québec. Et elle-même a été mentorée par Isabelle Hubert en 2010. J'ai récolté son témoignage par écrit. Elle va nous parler de son rôle auprès de toi. Et tableau avant noir. Ça. Ouais. On sent que vous avez une relation déjà très complice. Vincent, est-ce que vous vous connaissiez avant de non, simplement. Elle est comédienne à Québec. Elle habite Montréal maintenant, mais elle joue à Québec. Je connaissais son nom puisqu'on sait que le milieu théâtral à Québec est tout petit, mais je ne l'avais jamais rencontré. Je l'ai rencontré il y a quelques mois déjà. Ok, l'impression que ça fait 10 ans que vous connaissiez. De ce que j'ai lu, Vincent, quel était ton projet en art littéraire? Je suis en train d'écrire ma première pièce de théâtre et j'ai déposé il y a quelques mois pour être mentoré. J'ai envoyé un extrait d'une dizaine de pages avec une lettre de présentation. Et ils ont accepté. Et maintenant, grâce à Joël et grâce à ma première ovation, j'ai le bonheur d'être capable de poursuivre mon travail, de l'apporter plus loin, de l'approfondir. Et je peux te dire qu'actuellement, j'ai 45 minutes de show. Et si tout va bien, dans un mois, Joël, tu m'entends, on va avoir terminé. Je sais qu'elle nous écoute. Ça lui met un petit peu de pression. Non, ça vient d'elle. Dans un mois, on aurait fini. Oui. Très bien. Alors, à ne pas confondre, j'ai parlé de théâtre, mais en fait, c'est bien dans le volet art littéraire que toi, tu as appliqué, je ne me trompe pas. Mais ton écriture est théâtrale. Oui, c'est ça. Oui, ça ne mélange jamais. Oui, c'est ça. Quel est ton projet exactement? Tu écris sur quoi? Ça s'appelle Fondrant. C'est l'histoire d'un couple qui habite dans un fondrant, parce que moi je suis natif du lac Saint-Jean de Alma, et c'est l'histoire de ce couple-là qui a beaucoup de difficultés à vivre dans ce fond de région-là, et arrive à un certain moment un ancien ami de Jonathan, le personnage principal, qui s'appelle David, et cet ami-là, lui, il va venir débalancer complètement l'équilibre déjà précaire de ce couple-là. Et on va voir donc cette déchéance d'amitié, relation apparaître devant nous. Je propose déjà qu'on en écoute extrait, parce que même en art littéraire, on est capable de faire des extraits, puisque Vincent nous disait qu'il a déjà 45 minutes du spectacle. Tu es accompagné de Miguel Fontaine, lecture. Oui, salut. Comédien professionnel et également chroniqueur à CKRL. Écoutez, tous les bons, c'est les une première en plus, c'est la première fois qu'on m'entend mon texte. Moi, je suis très nerveux. Oui, on est heureux, ça fait partie des primeurs qu'on aime à CKRL. Alors, tu peux nous mettre en contexte? Oui, mise en contexte. Donc, on se devine, on est dans la maison de Jonathan en ce moment, et David, qui est son ami, il l'a pas vu depuis plusieurs années, rentre dans la maison, mais là, pour l'instant il y a personne, donc David rentre dans la maison de Jonathan. Je pense que ça fait ça la mise en contexte, simplement. Miguel, vas-y. Allô? Joe? Allô? Hey, salut, Joe! excuse-moi, allô? Excuse-moi, là, je t'avais pas vu, là. Salut, Dave. Hey, je suis vraiment content de te voir, là. Excuse-moi d'être rentré chez vous de même, là. Je savais pas trop où t'étais, puis j'ai décidé que j'allais t'attendre. j'imagine que t'es pas venu pour me tuer. Non. Je veux dire que, oui, c'est freak, là, mais non. Je suis venu pour toi, là, pour prendre de tes nouvelles. Hein? T'as une maison. Hey, c'est cool, t'as... T'as de la place en masse ici? Ouais, non, c'est pas ma maison. Je suis plus comme locataire ici, là. En tout cas, c'est une longue histoire. Toi, t'es venu voir tes parents? Ouais, c'est ça. C'est un peu compliqué pour eux autres ces temps-ci, fait que je suis descendu les aider un peu, là. Je suis allé voir les tiens tantôt. C'est eux autres qui m'ont dit que t'habitais ici. Avant ça, je suis allé à ton ancien appart, mais le gars, il savait pas trop où t'étais rendu. Ouais, non, je suis parti pas mal vite de là. J'essaie de pas te croiser trop souvent. Mais je suis content de te voir. Je voulais vraiment te voir. Hey, on s'ouvre-tu une bière? Ça va être ça, je pense. On en est là? Oui, on en est là. Tu veux continuer? T'as déjà 3 minutes? Ben, applaudissons. C'était une primeur ici à CKRL. Mais là, je suis habituée de faire la radio quand même, puis là, je vois le chrono avancer à vive allure, puis je me dis, mon Dieu. Moi, je faisais 45 minutes. Oui, mais moi, je suis nerveux, tu sais. Eh, mais bravo. C'est vrai qu'on, quand on nous dit on va avoir une lecture à la radio, on pense que ça va être lu mot par mot, mais non, il y a déjà toute l'intention, l'attention. Ben, c'est le théâtre aussi, à quelque part. Quand on commence à écrire, il faut avoir les personnages déjà en tête, il faut déjà avoir le. La suite des choses. Ça, c'est un début, mais on présente dans un mois, si je ne me trompe pas, déjà, bon, je savais, elle me dit oui. On présente déjà dans un mois, la Ninkasi, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est le 21 qu'on fait le lancement officiel là, de la fin du mentorat. D'accord. J'en profite pendant qu'on parle de date. Le 16 mai, au Palais Montcalm, là, on va avoir une soirée, là, c'est un genre 5 à 7 là, pour la relève là, avec des gens de première ovation. Puis Vincent, tantôt, parlait de Joël. Là, on voit que la boucle se boucle un peu. Là, donc peut-être que Vincent, dans 10 ans, va mentorer des jeunes à son tour. Dans le cadre de première ovation. Hein. C'est ça la beauté de la chose, effectivement. D'ailleurs, je précise aussi que plusieurs capsules sont diffusées à CKRL pour mettre à l'honneur ces 10 ans de première ovation. J'ai pu rencontrer Tire le Coyote, notamment, qui nous a parlé de l'importance en début de carrière d'avoir le soutien financier de la ville de Québec. Toi, Vincent, un mentorat, ça sert à quoi? On te guide sur ta façon d'écrire. On me parle de correction de fautes d'orthographe aussi. C'est Joël Monde qui dit ça. C'est vrai qu'elle dit à la radio. Ben oui. Ben, il y a beaucoup ça, mais moi, je pense que la chose qui me manquait le plus, c'était une structure pour être capable d'écrire. Parce que oui, j'étais capable d'écrire tout seul à la maison, là, de manière un peu erratique. J'écris une scène par-ci, une scène par-là, mais je n'étais pas capable de me donner une vraie structure pour être capable d'avancer dans l'écriture. Et Joël est arrivé avec une structure, on peut dire scolaire, parce qu'on s'est entendu là-dessus. On s'est entendu sur une manière de travailler, puis j'avais vraiment besoin de ça. Puis Joël et moi, on s'est vraiment bien compris sur ce que moi j'avais besoin, parce que je crois que c'est propre à chacun pour sa méthode d'écriture. Et moi, Joël a compris très rapidement que je voulais avoir quelque chose d'assez... d'assez rigide quand même, là, pour me forcer à écrire. Comme là, c'était on y va scène par scène, acte par acte, pour m'obliger à avoir à avancer là, puis à savoir aussi que je m'en vais avec mes skis aussi. Là. Je suis contente que tu dises ça, parce qu'elle m'écrivait: je me veux rigoureuse, relaxe, dans le sens que je fais beaucoup de blagues, puis on se raconte nos vies, mais je corrige des fautes d'orthographe. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ça résume bien le mentorat. Un mentorat financé, on pourrait demander à un auteur de le faire gratuitement. Pourquoi c'est important que le mentor soit payé pour faire ça? Pourquoi Joël a reçu un salaire? Oui. Ah, parce que son aide est essentielle tout le temps qu'elle donne, parce que Joël, je crois que c'est 14 heures qu'elle offre, mais évidemment, on en fait plus. Évidemment, j'écris à Joël à toutes les semaines, je lui envoie une page ou deux, qu'est-ce que t'en penses? Comme là, encore là, aujourd'hui, ben, je lui écris il y a 2 jours pour savoir quel extrait je pensais, quel extrait c'était le mieux que je lise à la radio. Mm-hmm. Je remodifie des trucs. On est en constant contact ensemble. Puis c'est un travail qui mérite rémunération, parce que c'est un espèce de professeur, elle doit toujours être là, puis oui, pour moi, ça a une grande valeur. Et le plaisir, surtout, la passion, je pense, qui vous réunit autour de ce projet. Je cite Joël Bond, qui m'a envoyé quelques mots sur ce projet. « Je remercie le ciel, pour vrai, entre parenthèses, point d'exclamation, d'avoir la chance d'être mentor et que Vincent me fasse une place dans son travail. C'est un pur bonheur. » Ben oui. C'est vraiment une grande passionnée. C'est vraiment un grand bonheur de travailler avec elle. Vous verriez la page qu'elle m'a envoyée sur ses impressions. Ça se voit que c'est généreux. Vincent Nolin-Bochard, merci beaucoup. Un plaisir, Jessica. Je souhaite la meilleure des chances donc pour la concrétisation de ce projet. Je rappelle que tous les détails des disciplines sont précisés sur le site internet premièreovation.com. Cliquez bien sur la discipline qui vous intéresse, parce qu'en fonction des disciplines, les programmes diffèrent. Hein. On n'offre pas toutes les mêmes programmes dans toutes les mêmes disciplines, et il y a des dates de dépôt de projet 2 fois par année généralement, ou 1 fois par année. Donc n'hésitez pas à y penser si vous êtes un artiste entre 18 et 35 ans, résident à Québec ou dans Wendake. Alicia Despins, conseillère municipale, merci beaucoup d'être passée nous voir à CKRL. Merci à vous. Pendant qu'on parle du site web aussi, j'en profite. Il y a aussi un onglet artistes soutenus. Des fois, c'est intéressant pour les jeunes de la relève qui veulent appliquer, mais pour les gens qui nous écoutent, là, d'aller feuilleter ça un peu, artistes soutenus dans tous les domaines, vous allez peut-être faire des belles découvertes. Donc, merci à vous. Merci, merci encore. Dans quelques instants, on parle d'une autre institution à Québec. Ce sont les 60 ans du Conservatoire d'art dramatique de Québec que l'animatrice connaîtra bien puisqu'il s'agit de Caroline Stephenson.